Chapitre 11e, l'entrée des barbares. Quand les corsaires, le lendemain matin, descendirent en armes dans l'île, ils s'étonnèrent de n'apercevoir aucun combattant, et pensant que cette solitude et ce silence pouvaient cacher un piège, ils ne s'avancèrent qu'avec prudence vers le palais. Grande fut leur surprise d'en voir toutes les portes ouvertes, et des milliers de flambeaux brûlant en plein soleil. Mais leur stupeur redoubla quand ils pénétrèrent dans les salles du festin. À la vue des convives immobiles, comme endormis en un beau songe, ils restèrent pétrifiés, frappés d'un enchantement, comme devant un de ces palais d'or des légendes, hantés par des fantômes et gardés par un génie. Le vieux mage surtout les effrayait en sa rigidité sculpturale. Enfin, le chef des barbares, plus brave, toucha l'épaule d'un pêcheur afin de l'éveiller, et vit qu'il était mort. Alors, tous s'avancèrent, plein d'un trouble superstitieux, marchant sur la pointe des pieds et parlant bas. Ils s'en vinrent ainsi de table en table jusqu'au lit royal où gisaient dans les fleurs le prince et la princesse. Les barbares farouches les contemplèrent longtemps, si beaux et souriants. Ensuite, leur vue fut attirée par les tablettes où le page avait tracé la dernière pensée, et leur chef, y portant la main, lut avec d'obscurs et vagues sentiments de surprise, de malaise, de respect, et peut-être d'admiration pour tous ces doux et inoffensifs dormeurs du dernier rêve, ces vers. Six gisent, au linceul princier de leur jeunesse, deux fiancés qu'unit la clémence du sort. Leur âme, elle s'en fut cherchée d'un libre essor des cieux où leur amour fraternel renaisse. Héros charmant, qu'enfin nulle douleur ne mord, dormez, les bras pendants, dans l'immuable ivresse. Le reflet d'un bonheur mystérieux caresse vos fronts où se pose le baiser de la mort. À la vie, au dégoût barbare de la vie, vous avez préféré la part digne d'envie, un amour lumineux à travers un ciel doux. Heureux, qui, loin du flux de la boue éternelle, a su garder son âme intacte comme vous, et meurt avec un rêve au fond de la prunelle. Ainsi s'achève L'île heureuse par Paul Marguerite.